France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Far West, l'Ouest lointain, Wild West, Ouest sauvage, préfèrent dire les Américains. En 1980, les Nuits Magnétiques proposaient de nous faire vivre la fabuleuse épopée du Far West. Far West, aussitôt le mot prononcé, les images affluent. Les plaines à perte de vue, sous un ciel immense, le galop de bisons comme un tremblement de terre, les convois des pionniers, les Sioux qui menacent au sommet de la colline, les chariots qui font cercle, bivouac sous les étoiles et chevauchés sans fin, cow-boys, indiens, trappeurs et tuniques bleues. Danny Boone, Davy Crockett, Kit Carson et la belle Peggy du Saloon. Alors go west pour une nuit magnétique où l'on n'entendra que si épopée il y a bien, il y a aussi loin du mythe à la réalité. Le mythe de l'Ouest, premier épisode de la fabuleuse épopée du Far West dans les nuits magnétiques en 1980. Bonsoir. Vous êtes prêts? Soit de grandes plaines, un lieu mythique où, comme on dit, l'histoire se perd. Un peu de patience, il va bien falloir y placer des hommes. Des hommes dont les peines de la tâche sont telles que pour eux, le soleil ne se couche jamais. Vous les avez reconnus? Eh bien, vous avez perdu. Même si le réel et l'imaginaire coexistent en eux, ce ne sont pas des gens de radio. Il leur manque en effet un petit quelque chose, je ne sais pas, un cheval rétif, une selle de cuir, un colt, un lasso et un chapeau Stetson. Ok, ce sont les cow-boys qui, à travers les grands espaces des ondes hertziennes, vont toute cette semaine faire entendre leurs paroles et leur musique. Mais, petite ruse de l'histoire, alors qu'aucun cow-boy digne de ce nom n'aurait préféré une femme à son cheval, ce sont deux femmes, Pamela Tittel et Josette Collin, qui relateront pour nous la fabuleuse épopée du Far West. Pas question donc de se blottir au coin d'un feu, il va falloir se mettre en route et au galop à travers la prairie pour suivre les pionniers dans leur chariot bâché, assister à la ruée vers l'or et à la construction du transcontinental. Mais ce n'est pas tout. Cowboys, bûcherons et cheminots, Cheyenne, Apache et guerriers Sioux, soldats de la cavalerie américaine, chevaux, vaches, daims et bisons, j'en oublie certainement, seront plus nombreux dans Nuit Magnétique cette semaine qu'ils ne l'auraient été sur la scène du Châtelet de la Belle Époque. Le 24, nous ferons encore mieux en vous proposant une soirée hollywoodienne au Wild West Show, le grand spectacle de cirque qui contribua à immortaliser les guerres indiennes. Rendez-vous ce soir-là avec tous les héros légendaires du Far West américain, car c'est vrai que le Far West est une légende, une histoire fabuleuse, colportée par toute une littérature et un cinéma, souvent de bas étage, de telle sorte qu'il est bien difficile aujourd'hui de démêler le vrai du faux, au point d'ailleurs qu'on peut se demander si, comme le traître du western, notre sujet ne va pas se retourner contre nous. C'est vrai, en vous faisant passer Noël en compagnie des ancêtres de Superman à la gâchette facile, nous sommes-nous rangés du côté des bons ou du côté des méchants? Rassurez-vous, dans l'Ouest, on ne mange pas que des cactus et l'aventure y a pris l'allure d'une résistance au progrès, d'une culture urbaine et industrielle, résistance dont on peut se souvenir par les temps qui courent. Alors, laissons chanter ces grands espaces où l'on peut donner de la voix, laissons chanter le nomadisme de l'imaginaire, et surtout, en cette période de Noël, offrons-nous le luxe de retomber en enfance. Fabuleuse épopée du Far West. Allez vers l'ouest, jeune homme, et grandissez avec le pays. Go west, young man, go west. Cette réponse de Horace Greeley à un adolescent qui ne savait comment orienter son avenir est dans la mémoire de tous les Américains. Certes, l'ouest n'est plus terre d'aventure, mais le Far West continue à alimenter les rêves des jeunes gens de tous les pays. C'est une époque qui était à peu près normale, mais on a fait beaucoup de légendes dessus, alors il est difficile de savoir exactement quelque chose. Il y avait une ambiance très mouvementée, il y avait beaucoup de bagarres dans les bars, tout ça, c'était très, très mouvementé, puis c'était pas calme du tout dans les villes, il y avait des jeux de poker, tout ça partout. Ça a complètement changé depuis la civilisation, ça fait quand même assez longtemps qu'elle a été née. Hein. Dès la fin du Far West, peu à peu ça a diminué la civilisation, puis c'est rené. Mis à part l'élément romanesque, le Far West a bel et bien été tel qu'on se l'imagine. Le théâtre d'un exode étonnant des pionniers à travers la prairie, de chevauchées fantastiques, de carrières brillantes ou sordides, mais toutes marquées au coin du danger. Où finit la réalité? Où commence la légende? I may sound like a Bible beater yelling up a revival at a river crossing camp meeting, but that don't change the truth none. There's right and there's wrong. You gotta do one or the other. You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. Pour les Américains, l'esprit de l'Ouest, c'est celui auquel John Kennedy a fait appel à l'aube de l'ère spatiale avec son slogan « Nouvelle frontière ». Mais l'Ouest fait l'objet d'interprétations paradoxales. On célèbre toujours les vertus des pionniers, mais l'on réhabilite la mémoire de l'Indien élevé au rang du martyr. Il n'est plus un sauvage, mais celui qui a su respecter la nature. Cependant, on exalte toujours le cow-boy, sa soif de liberté, son goût de l'aventure, son individualisme jusqu'à sa violence, encore que l'on ironise quelque peu sur son compte. Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill, à leur admiration. Faut dire que j'avais la chemise à carreaux, la guitare derrière dans le dos, pour faire le cow-boy très beau, mes compositions. J'aurais parié que c'était risqué. Thank you. Venez avec nous visiter les villes frontières et les terres vierges du Far West et réveillez à une des périodes les plus passionnantes de l'histoire américaine, celle qu'ont choisi Broadway et Hollywood pour conter l'histoire du pays. I'd like to propose a toast. Major, Gatewood, Ringo, your health. Thank you, sir. Le mythe de l'Ouest est au moins aussi important que sa réalité, et il se confond dès l'origine avec l'Amérique même dont il incarne l'idéal. La frontière, c'est beaucoup plus que le symbole des ressources naturelles de l'Amérique, beaucoup plus que la terre à qui veut la prendre, beaucoup plus que le fondement de l'égalité sociale de la nouvelle société. Au XVIIe siècle, l'Ouest, c'est les Appalaches. Puis, au XVIIIe, c'est au-delà des Appalaches, la région qui s'étend entre cette chaîne de montagnes et le Mississippi. Ceci jusque dans les années, jusqu'à vers la fin du XVIIIe siècle. Et à partir du moment où Thomas Jefferson va acheter à Napoléon la Louisiane, cet immense territoire qui s'étend au-delà du Mississippi, alors les colons commencent à traverser le fleuve et l'Ouest, c'est déjà la région au-delà du Mississippi, sont les grandes plaines. On voit encore les Rocheuses comme une barrière infranchissable. Alice Marienstrass. Et puis ensuite, après la guerre de sécession, alors on va traverser les Rocheuses et désormais l'Ouest, c'est en effet le Far West. Par rapport à quoi, puisqu'il est précédé de toute une série d'étapes qui sont toujours l'Ouest, par rapport à la vieille civilisation européenne. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. To the sparkling sands of her diamond desert, while all around me a voice was chanting, this land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Avec le recul du temps, les hommes qui avaient choisi de vivre sur la frontière se sont peu à peu transformés en figures de légende. Au XVIIIe siècle, une partie de ces pionniers étaient les trappeurs et marchands de fourrures. Ils avaient atteint le territoire fertile de Kentucky, au-delà des Appalaches. Le passage qui a permis aux premiers pionniers de franchir les montagnes a été baptisé Cumberland Gap. The first white man in Cumberland Gap, the first white man in Cumberland Gap, the first white man in Cumberland Gap was Dr. Walker, an English chap. Lay down, boys, and take a little nap. They're raising hell in the Cumberland Gap. Old Dan'l Boone on the Pinnacle Rock, Old Dan'l Boone on the Pinnacle Rock, Old Dan'l Boone on the Pinnacle Rock, he killed Injuns with an old flintlock. Lay down, boys, and take a little nap. They're raising hell in the Cumberland Gap. Dans la vallée de la Virginie qui s'étire vers Cumberland Gap, on pouvait trouver une race d'hommes et de femmes qui avaient choisi de passer toute leur vie sur la frontière. Et dont la chasse était le seul moyen d'existence. Leur arme préférée était le fusil à pierre. Ils étaient des tireurs d'élite. Parmi les gens qui s'aventuraient de l'autre côté des Appalaches, Jean-Louis Ruperu, l'un d'eux est devenu particulièrement célèbre. Il s'appelait Monsieur Boone, Daniel Boone. Il est devenu un héros de légende, un héros de bande dessinée. On l'a présenté comme le type même de cet Américain qui va vers l'Ouest, cet Américain qui va de l'avant. Boone n'est ni plus ni moins qu'un spéculateur. Il travaille pour le compte de grands personnages et il va faire une exploration d'un pays qu'il appellera lui-même le pays de Kentucky, c'est-à-dire le futur Kentucky. Daniel Boone, c'est quelqu'un de très très intéressant et qui est peu connu du public français. Laurence Harley. Moi, il me fascine particulièrement parce que cette époque, les forêts immenses, enfin... Je suis allée au Canada, j'ai circulé pas mal au Canada. Et ces immenses forêts qui n'en finissent pas sur 300 kilomètres avec des champs de myrtilles en dessous, des orignaux à tous les coins, à tous les coins de bois, des lacs partout. C'est tellement beau et ça devait être absolument extraordinaire à cette époque. Le côté complètement sauvage de ces forêts, le silence et puis en même temps les bêtes étranges qui la peuplaient, comme ce glouton qui est un animal diabolique. Les premiers Français disaient que c'était le diable, hein, parce que c'est un animal minuscule, hein, qui n'est pas plus grand qu'un gros castor, et qui est capable de manger un ours polaire. Et les gens comme Daniel Boone, qui exploraient, chassaient, devaient être complètement extraordinaires. The first white man in Cumberland Gap, the first white man in Cumberland Gap, the first white man in Cumberland Gap was Dr. Walker, an English chap. Lay down, boys, and take a little nap, they're raising hell in the Cumberland Gap. Old Dan'l Boone on the Pinnacle Rock, Old Dan'l Boone on the Pinnacle Rock, Old Dan'l Boone on the Pinnacle Rock, he killed Injuns with an old flintlock. Lay down, boys, and take a little nap, they're raising hell in the Cumberland Gap. Now Cumberland Gap is a noted place, Cumberland Gap is a noted place, Cumberland Gap is a noted place. There's three kinds of water to wash your face. Cumberland Gap. Et c'est ainsi que, vers la fin du XVIIIe siècle, la frontière s'est déplacée. Depuis la ligne de fête des Appalaches, elle a dévalé le versant occidental de ces mêmes montagnes. Elle s'est aventurée au long des vallées de l'Ohio, par exemple, et de ses affluents, au long de Tennessee. Et c'est ainsi que, vers la fin du XVIIIe siècle, déjà un peuplement s'est installé dans ces régions. Et ce sont là, justement, les régions où s'étendent les deux premiers États de l'Ouest, c'est-à-dire le Kentucky et le Tennessee. Daniel Boone, fondateur du village fortifié Boonesboro dans le Kentucky, s'était donné pour tâche de guider vers l'ouest les pionniers en quête d'espace. Boone avait vécu dans un tribu d'Indiens, tout comme un autre héros du Far West. Un héros de bande dessinée imaginé par Lawrence Harley, Jonathan Cartland. C'est un pauvre mec. Un trappeur qui est complètement ballotté entre ces deux civilisations, moi c'est ça qui m'intéresse. On a écrit, enfin on a organisé avec Blanc Dumont toute son histoire depuis le départ pour que son personnage soit cohérent et on a imaginé qu'il était fils d'immigrants, qu'il avait été élevé dans l'Est par une famille très puritaine, qu'il s'était sauvé vers 12-13 ans et qu'il avait passé le reste de son adolescence chez les Indiens mandants. Ce qui fait qu'il est complètement tiraillé entre son côté blanc et son côté indien. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, c'est un trappeur, qui va chercher des fourrures. Il est dans le Montana, Dakota, enfin au nord. Et puis il rencontre des gens et il a des aventures très, très étranges. Il lui arrive une aventure bizarre avec des mandants où il a des rêves qui sont un peu initiatiques. Dans l'album suivant, il est guide pour une expédition étrange d'un monsieur riche de San Francisco qui veut trouver un trésor et qui se trompe complètement parce que le trésor, en fait, c'est le crâne d'un vieux sage Hopi. Ça n'a rien à voir avec un trésor et tout le monde en meurt d'ailleurs, sauf Cartland, mais il est maudit. Enfin, ce qui nous passionne tous les deux dans cette histoire, c'est vraiment la dualité et le choc entre ces deux civilisations tellement différentes. Et à ce niveau-là, c'est relativement réaliste et en même temps très fantastique, parce que les légendes indiennes sont très fantastiques. Les influences pour cette histoire, c'est principalement le cinéma et principalement Jeremiah Johnson, qu'on a vu tous les deux, je sais pas, 7 ou 8 fois. What's your name? Johnson. What then? Your Christian name? Jeremiah. À peu près à la même époque, naissait celui qui allait prendre la relève de Daniel Boone. C'est dans une taverne de Tennessee que voyait le jour en 1786 un certain Davy Crockett. Well, don't you want to know something concerning where it was that I come from and where I got my larnin'? Old world is made of mud out of the Mississippi River and the sun's a ball of fox far as you may soon discover. Now, out one day I was a-goin' a-spoonin' and I met Davy Crockett and he was a-goin' a-coonin'. Il était si laid qu'on le disait capable de faire mourir de peur un raton avec une seule grimace. C'est du moins le genre de renseignement que l'on trouve dans des chansons populaires. Davy Crockett est un personnage très populaire aux États-Unis. Il est le symbole du trappeur, le symbole de l'homme qui veut tenir un rôle dans la jeune Amérique, un rôle politique. André Chéneau. Il représente un peu tout. À la fois l'ami des Indiens, le défenseur du drapeau américain dans cette fin tragique dans le fort d'Alamo. Je crois que pour les Américains, il tient un rôle très important. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee. Si courageux que lorsqu'il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Davy, Davy Crockett. L'homme qui n'a jamais peur. Davy, Davy Crockett. L'homme qui n'a jamais peur. Pour ce qui est de Davy Crockett, j'ai lu ses mémoires. Alors ça, c'est quelque chose d'assez passionnant. Parce que c'était en fait un type extrêmement bête. Si j'ai bien compris, vous voulez que je vous serve de guide. Vous ne croyez pas que notre but est de tuer des daims. Vous voulez tuer Louis Chama. Vous avez compris du premier coup. Vous êtes intelligent. Il était complètement mégalomane. Et en plus, c'était, bon, on l'a montré comme quelqu'un qui était copain avec les Indiens et tout. Pas du tout, mais pas du tout. Il était, bon, non seulement il les tuait quand il pouvait, mais en plus de ça, il faisait des magouilles épouvantables. Vraiment épouvantables. Avec les affaires indiennes, pour récupérer de l'argent, en fait. Hein. Nuage rouge, dire que nous plus ses amis. Nous ne devons plus chasser, pêcher et mettre des pièges dans la forêt maintenant. Il veut que nous repassions la rivière. Si nous revenir, nous mourir. Pourquoi? Nous ne lui avons jamais fait de tort. Il y a de la place pour tout le monde ici. Les tuniques bleues. Les soldats. Alors le mythe du trappeur avec son chapeau, son célèbre chapeau avec la queue de raton laveur, c'est complètement à côté de la plaque. Était Croquette. Croquette, c'était un garçon simplement né dans une famille très humble et qui était à l'image même du pays dans lequel il naquit, c'est-à-dire un homme très rude, très simple, une enfance et une jeunesse, pénétré du désir d'aller voir un peu au-delà l'horizon quotidien. Bon, il s'en va, il vadrouille, il parcourt le pays, il descend jusque vers le golfe du Mississippi. Et lorsque le temps des élections est venu, Croquette se transforme en propagandiste politique. C'est l'époque de la présidence de Jackson. C'est un grand admirateur d'ailleurs de Jackson parce qu'il a servi sous ses ordres en 1811 contre les Indiens et il a servi aussi sous ses ordres durant la campagne contre les Anglais à la Nouvelle-Orléans. Et en 1820, voilà que Croquette, pénétré d'amour, de respect, de vénération pour Jackson, se fait son propagandiste politique. Et il va parcourir ses lotissements, ses villages perdus dans la forêt ou échelonnés au long des vallées. Et comme il a le verbe haut et comme c'est un homme qui connaît parfaitement son auditoire, il leur raconte des histoires de chasse parce que Croquette, c'est avant tout un chasseur. C'est le monsieur qui est capable de tuer 20 ours en un mois, de les dépouiller. Et ces gens adorent ces histoires. Et pour eux, la politique, elle passe par l'aptitude de Croquette à raconter de bonnes histoires et à finir son meeting électoral par une bonne séance de soulographie où on boit de la boisson, une boisson assez alcoolisée. Bon, Croquette est élu. Contre toute attente, il est élu. Il est élu, il remplira 2 termes au Congrès et le Congrès est tout étonné d'ailleurs de ce personnage qui symbolise une autre Amérique. Ce n'est plus l'Amérique de la côte atlantique. Ce n'est plus l'Amérique policée, l'Amérique à l'image de l'Europe et de ce que la civilisation propre à l'Amérique a pu apporter en plus à ce substrat européen. C'est une Amérique profonde, c'est l'Amérique des bois profonds, des grands bois, des grandes solitudes. C'est l'Amérique de l'Ouest. Si bien que Croquette symbolise l'Ouest. C'est l'homme de la frontière. Thank you. Après le congrès de Washington, Davy Crockett s'est engagé dans la guerre du Texas. Il s'est jeté dans El Alamo, attaqué par les Mexicains. Ses fidèles prétendent que ce héros de 50 ans a été le dernier des 184 défenseurs du Fort Alamo à succomber en 1836. Parmi ces trappeurs, un nom a survécu. Je ne parle pas de Jim Bridger, qui a été un homme extrêmement important et intéressant, mais je pense surtout à Kit Carson. Il est vrai que Carson, ça a été un homme important pendant toute une époque. Malheureusement, Carson, après avoir été trappeur, après avoir été conducteur d'attelage, guide, etc., il est allé jusqu'en Californie avec le capitaine Frémont, une vie aventureuse étonnante. Lorsque, en 1863, il fut chargé de marcher contre les Navajos. Et il ne faut pas aujourd'hui prononcer le nom de Kit Carson chez les Navajos. Et le Nouveau-Mexique n'est pas particulièrement fier d'avoir abrité Kit Carson pendant une bonne partie de sa vie. Et on trouve aujourd'hui la tombe à Taos de Kit Carson. C'est une simple stèle, une seule inscription, Kit Carson. Mais quand on cherche à savoir qui était M. Carson, on peut dire qu'il est bien différent de la légende. Ça n'a peut-être au début, lorsqu'il avait 20 ans, ça a été un garçon assez courageux, très courageux certainement, mais il a eu une vie très tourmentée, très perturbée, à l'image même de la vie qu'offrait justement cette frontière. En tout cas, personnellement, je ne pense pas que Carson soit le héros qu'on a voulu en faire. Carson, con un caballo y un fusil, del monte al llano va un señor, le llaman todos viejo Kit, nadie tuvo más honor. Los indios matan sin piedad, y a Carson tienen devoción, que bajo su aire de chacal, late un noble corazón. Carson, Carson, ¿por qué Carson? En el Missouri fue a cazar y las rocosas recorrió. No habrá trampero más genial, Carson siempre fue el mejor. Jamás un guía fue tan fiel, venció por él la expedición y fue nombrado brigadier por su arrojo y su valor. Carson, Carson, Hoppy Carson, brigadier del oeste, bravo cazador. Por entre riscos fue a vivir y la montaña fue su hogar. Si son las pieles su vestir, no hubo porte más galán. Con un caballo y un fusil, aquel trampero singular, para las gentes del país fue un valiente capitán. Carson, Carson, Hoppy Carson, brigadier del oeste. Santa Fe était à ce moment-là une ville espagnole et une ville dans laquelle les Américains pensaient qu'il y avait des affaires à conclure. Et c'est ainsi qu'en 1821, un nommé Becknell part du Missouri, de Saint-Joseph très précisément, avec un camarade et quelques mules bâtées, chargées de marchandises, de bimbeloteries, de tissus, etc. Et ils vont tenter d'atteindre Santa Fe. Ils arrivent, ils sont très bien reçus par le gouverneur espagnol, ils vendent très librement leurs marchandises, ils reviennent avec un bénéfice de quelque chose comme 5000%. Si bien que, dans les deux années suivantes, ce ne sont plus maintenant des individuels qui partent vers Santa Fe, mais ce sont des caravanes entières qui ouvrent la fameuse piste de Santa Fe. I ain't got no home nor nothing, I suppose. Misfortune seems to follow me wherever I goes. I come to California with a heart both stout and bold. and have been up to the diggings there to get some lumps of gold. But I'm a used up man, a perfect used up man, and if ever I get home again, I'll stay there if I can. I lives way down in Maine, where I heard about the diggings, so I shipped a port at Arundel Park, commanded by Joe Higgins. I sold my little farm, and from my wife and children parted, and off to California sailed and left them brokenhearted. But here's a used-up man, a perfect used-up man, and if ever I get home again, I'll stay there if I can. When I got to San Francisco, I saw such heaps of money, and the way the folks at Monte played, I thought the game was funny. And so I took my pile and on the table tossed it, and the chap who dealt me out the card says, my friend, you have lost it. So you're a used-up man, a perfect used-up man, and if ever I get home again, I'll stay there if I can. I got into a steamboat and started up the river, and I thought the darn mosquitoes would have taken out my liver. When I got to Sacramento, I buckled on this rigging, and soon I found a decent place, and so I went to digging. But I'm a used-up man, a perfect used-up man, and if ever I get home again, I'll stay there if I can. Got into the water where the feeder and ager took me, and after I was froze to death, it turned about and shook me. And still I kept to work, a hoping 'twould be better, but the water wouldn't fall a bit, but it kept on getting wetter. But I'm a used up man, a perfect used up man, and if ever I get home again, I'll stay there if I can. Suppose if I should die, they'd take me to the mission, or else the city'd sell me to pay up my physician. I've tried to keep my courage and swore I would not spree it, and here's my pile for 5 months' work. I'd as lief that you'd not see it. For I'm a used-up man, a perfect used-up man, if ever I get home again, I'll stay there if I can. I don't know what to do, for all the time I'm dodging, to hunt up grub enough to eat and find a decent lodging. I can't get any liquor, and no one seems to meet me who'll take me by the collar now and kindly ask to treat me. For I'm a used-up man, a perfect used-up man, and if ever I get home again, I'll stay there if I can. Une piste longue de quelque 800 km dans un territoire de plaine dangereux en raison du climat, en raison du manque d'eau et surtout en raison de la présence de tribus indiennes qui voient d'un œil inquiet ces formidables convois de chariots chargés de marchandises pénétrer leur domaine. Pourtant, il y avait moyen de s'arranger avec ces tribus. Et il faut revenir justement sur cette image de ces convois vers Santa Fe. Il faut imaginer par exemple d'une saison à l'autre, parce qu'en fait les convois partaient au mois de fin mars, début avril du Missouri et devaient arriver au bout de deux mois de piste à Santa Fe. Il y a quelquefois 100 chariots. Un chariot, c'est quelquefois 7-8 tonnes. De marchandises, des marchandises fabriquées aux États-Unis ou importées d'Europe. Ces marchandises qui manquent très cruellement justement aux populations de la vallée du Rio Grande, à Santa Fe, à Albuquerque, etc. Si bien qu'il y a toujours preneur sur la place de Santa Fe devant le palais du gouverneur pour les marchandises américaines. C'est l'occasion d'une prospérité considérable. Mais aussi, il faut dire que dans ces chariots, non seulement les marchandises sont transportées, mais ces gens du Missouri transportent des idées. Thank you. Alors les gens partaient en longue caravane très souvent. C'était beaucoup plus sûr parce que on voit très souvent ces caravanes qui sont au départ. Alors l'image qu'en donnent les films est assez exacte. Ce sont souvent des chariots, en effet, bâchés, tirés plus souvent par des bœufs que par des chevaux. Et très souvent, au cours de la traversée, les bœufs ont soif, l'eau et l'air sont très alcalins après le Mississippi. Et cela fait mourir les bœufs vraiment en très grande quantité. Donc ces caravanes se vident peu à peu de leurs animaux de trait. Ensuite, les chariots se cassent extrêmement fréquemment. Et donc, heureusement qu'on est plusieurs, parce qu'on s'entraide, parce qu'on recueille une famille dans le chariot qui reste. Et puis on finit souvent par laisser tous les chariots sur le bord de la route, par manger les bœufs quand on est très affamé. Parfois, comme la famille d'honneur, qui dirigeait toute une caravane, par manger les gens de la famille qui ont été gelés, parce qu'on a été pris par l'hiver, on n'a pas pu traverser assez vite pour éviter les grands froids dans les rocheuses, et ainsi on parvient au but décimé, sans bagages, etc. Ce qu'il faut ajouter, c'est que également, bien que tout cela paraisse extrêmement sordide, extrêmement misérable, lorsqu'on voit ces gens qui vraiment partaient avec tout leur avoir dans un chariot, tout cet avoir coûtait quand même une certaine somme. Donc lorsqu'on a dit que l'Ouest, le départ vers l'Ouest, c'était une solution pour une classe ouvrière qui commençait à connaître le chômage, la misère, les difficultés, eh bien, en fait, cette classe ouvrière est très peu partie à l'Ouest. Ceux qui sont partis à l'Ouest étaient plutôt des fermiers qui avaient réussi à vendre leur bétail ou leur ferme, ou des artisans, ou des gens qui avaient un petit capital. On a calculé qu'il fallait au moins $1,000. Voulez-vous venir à Pittsburgh avec moi, Eve? Oh, Laurence! Je ne partirai pas d'ici. Je ne bougerai jamais plus, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais, voyons, pourriez-vous m'expliquer pour quelle raison? Mon père et ma mère auraient voulu une ferme dans l'Ouest. Elles se sont arrêtées ici, Laurence. Alors il me semble que c'est ici que Dieu a voulu que la ferme soit bâtie. Mais votre frère Sam est blessé et l'hiver va bientôt arriver. Il est inutile d'essayer de me convaincre, Laurence, je ne partirai pas. Eve, c'est une folie de vouloir rester. Je crois que la plupart des gens qui prennent le chemin de l'Ouest font une folie. Away, away, come away with me, where the grass grows wild, where the winds blow free. Away, away, come away with me, and I'll build a home in the meadow. Come, come, there's a wondrous land for the hopeful heart, for the willing hand. Come, come, there's a wondrous land where I'll build you a home in the meadow. The stars, oh how bright they'll shine on a world the Lord must have helped design. The stars, oh how bright they'll shine on that home we will build in the meadow. For the hopeful heart, for the willing hand. Come, come, there's a wondrous land where I'll build you a home in the meadow. Faut pas oublier qu'en 1867, une loi a été votée qui donnait la terre gratuite on appelle ça le homestead, et elle donnait la terre gratuite à tout individu qui s'engageait à la mettre en valeur, à construire une maison. Il fallait qu'il y ait déjà une porte et une fenêtre. Alors on raconte que les gens, comme ils étaient trop pauvres pour mettre une fenêtre dans la cabane qu'ils construisaient, il fallait que la fenêtre soit vitrée. Donc il y avait une fenêtre vitrée dans une communauté, et on se la repassait chaque fois que quelqu'un demandait un lopin de terre. Il construisait il mettait quelques pieux pour sa cabane, et puis il faisait une porte rudimentaire, il laissait une ouverture, et il empruntait la fenêtre du précédent pionnier qu'il collait. On faisait venir l'agent du cadastre qui constatait qu'il y avait bien une fenêtre, et puis on enlevait la fenêtre, on mettait une peau de mouton et on rendait la fenêtre au propriétaire, lequel la prêtait de nouveau, la louait parfois d'ailleurs, au futur lotisseur. Parmi ceux qui vont se lancer hardiment dans la traversée des étendues de l'Ouest, c'est-à-dire des plaines, comptent les Mormons. Les Mormons, en 1846-1847, vont organiser une première caravane, qui reste d'ailleurs un modèle du genre, vu les difficultés de cette traversée. Et cette première caravane atteindra la vallée du Grand Lac Salé, dont ils feront précisément leur capitale, Salt Lake City, aujourd'hui. Les Mormons ont prouvé une chose importante pour l'avenir, c'est que des civils pouvaient traverser, en condition d'être fortement organisés en convoi, pouvaient traverser les plaines. Et cette traversée n'a pas été facile, mais ils ont ouvert une piste importante qui franchit les premiers chaînons des montagnes rocheuses, qui descend à travers ces chaînons vers la vallée du Grand Lac Salé, et le Grand Lac Salé deviendra une halte obligatoire, indispensable, sur la route de l'Ouest. On oublie trop souvent que si les Mormons se sont enfuis vers le désert et ont fondé une nouvelle civilisation dans l'Utah, c'est parce qu'ils étaient persécutés à cause de leur pratique de la polygamie. Brigham Young, le premier gouverneur de l'Utah, avait 27 épouses et 56 enfants. Le président James Buchanan n'a pas supporté l'idée d'avoir un gouverneur polygame dans un territoire de l'Ouest. Donc, il a décidé de faire appel à l'armée pour empêcher Brigham Young de prendre ses fonctions. Dans les chansons écrites par les citoyens de l'Est, Brigham Young avait au moins 45 femmes et plus de 100 enfants. Brigham Young was a Mormon bold, and the leader of the roaring ram, and the shepherd of a flock of fine tub sheep and a passel of pretty little lambs. And he lived with his 45 wives in the city of the Great Salt Lake, where they breed and swarm like hens on a farm and cackle like ducks to a drake. Brigham, Brigham Young, it's a miracle he survived, with his roaring rams and his pretty little lambs and his 45 wives. Number 45's about 16, number 1 is 60 and 3, and among such a riot, how he ever keeps them quiet is a downright mystery to me. For they cackle and claw and jaw, jaw, jaw, each one has a different desire. It would aid the renown of the best shop in town to supply them with half they require. Brigham, Brigham Young, it's a miracle he survived, with his roaring rams and his pretty little lambs and his 45 wives. Now his youngest wife sings psalms all day, the old ones all sing songs, and among such a crowd he had it pretty loud, they're as noisy as Chinese gongs. When they advance for a Mormon dance, he is filled with the direst alarms, for they're sure to spend the night in a tabernacle fight to see who has the fairest charms. Brigham, Brigham Young, it's a miracle he survived, with his roaring rams and his pretty little lambs and his 45 wives. Well, there never was a house like Brigham Young's, so curious and so queer, for his wives were double and he had a lot of trouble, and it gained on him year by year. Now he sits in his state and bears his fate in a sanctified sort of way. He has one wife to bury and one wife to marry, and a new kid born every day. Brigham, Brigham Young, it's a miracle he survived, with his roaring rams and his pretty little lambs and his 45 wives. Un autre chemin vers l'ouest était le Bozeman Trail. C'était surtout une voie de transport pour les immenses troupeaux de bétail qui montaient chaque année du Texas vers le Montana et le Wyoming. Cette route créa des liens étroits entre le sud et l'ouest. Les vachers, ou cowboys, qui empruntaient le Bozeman Trail, étaient en quelque sorte les premiers travailleurs sur la frontière. Pendant longtemps, on a cru que les cow-boys chantaient en travaillant. Michel Oriano. C'est-à-dire que les cow-boys, bon, les chansons de cow-boys, en général, il s'agit des chansons des cow-boys qui partaient du Texas, qui conduisaient des troupeaux de 5-6 000 bêtes jusqu'au Kansas, ou même plus haut, enfin au Wyoming, etc., qui les amenaient dans des gares, ça, l'histoire est bien connue. Et on pensait, il y a beaucoup de folkloristes qui disaient que ces chansons étaient chantées pendant le travail. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à faire des analyses essayant de prouver que les chansons de cow-boy étaient chantées au rythme du trot ou du galop. Alors ça, c'est totalement absurde. Enfin, je crois qu'il faut écarter ça tout de suite. Il suffit d'imaginer ce que faisait un cow-boy. Il suivait un troupeau de 5000 têtes, ce qui soulevait des nuages de poussière. C'était un pays extrêmement sec. C'était le désert américain, il ne poussait que des cactus et de l'herbe courte, enfin short grass qu'on appelait, blue grass qu'on appelait. Comment est-ce qu'on peut imaginer des gens chanter dans ces nuages de poussière? Ils étaient même obligés de mettre un foulard sur leur nez. Et en outre, enfin quiconque est monté sur un cheval réalise à quel point il serait difficile de chanter au trot ou au galop. Our folk went riding out one dark and windy day. Il y avait énormément d'émigrants, évidemment, venus d'Europe, et on voit une foule extrêmement cosmopolite sur la frontière. Bost, qui est le héros et l'auteur des lettres que son arrière-arrière-petit-neveu a recueillies dans Les Derniers Puritains, pionniers d'Amérique, Bost raconte que dans les chantiers de défrichement, dans les chantiers de bûcherons, on entendait parler toutes les langues. Sugar. Laws and game! C'est bien, passez. Allez. Merci. Merci. Merci. A big as in. Tenez-vous. As big as in, man, a lady. Ils sont plus foncés que nous. Les gens se regroupaient entre ceux qui parlaient la même langue. Alors lui se retrouvait souvent, puisqu'il était d'origine suisse et française, il se retrouvait souvent avec des Suisses, avec des Français, il s'y sentait mieux, et il racontait que tout de même, il y avait autour de lui énormément d'Irlandais, de Suédois, d'Allemands, dans les années 1850, à l'époque où lui écrit cette correspondance avec sa famille, c'est surtout l'Europe de l'Ouest qui fournit des gens à cette émigration. Et puis il y a beaucoup d'Américains tout de même qui sont venus de l'Est, et ce sont souvent ceux qui savent le mieux se débrouiller. Donc on les trouve souvent comme contremaîtres dans les chantiers, parce que l'Ouest, ce n'est pas seulement les caravanes, ce sont les défricheurs surtout. Et alors on les trouve justement, ils sont les contremaîtres, et ils souvent, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que lorsqu'on parle par exemple des grands brigands de l'Ouest, des hors-la-loi, etc., on oublie le petit brigandage. Cette manière qu'avait par exemple un entrepreneur de passer un contrat pour construire une route, il engageait toute une équipe d'ouvriers avec des contremaîtres. Bost a été contremaître sur un chantier de ce genre. Et puis en route, une fois que le travail était bien avancé, on n'avait même pas besoin qu'il soit terminé, une fois qu'il était bien avancé, le patron disparaissait pour quelque temps et laissait les ouvriers sans leur paye. Et comme ils n'avaient plus rien à manger, il fallait qu'ils aillent s'embaucher ailleurs. Le résultat était que les ouvriers se retrouvaient sans rien. Ils avaient travaillé sans avoir de profit de leur travail. Quand le boulot sera fini, je te liquiderai. Dans le Far West, on pouvait rencontrer un certain nombre de visiteurs venus d'Europe. Le duc Paul Guillaume de Württemberg est venu faire le catalogue de la flore et de la faune de cet étrange nouveau monde. L'écrivain anglais, Sir Richard Burton, a passé plusieurs semaines chez les Mormons en 1860. Même Lola Montes a fait un séjour au Far West. Et n'oublions pas le grand-duc Alexis de Russie, fils du tsar Alexandre II, qui était allé chasser le bison au Nebraska avec George Armstrong Custer. Dans l'album « La rivière du vent », Laurence Harley raconte comment Jonathan Cartland a rencontré un groupe de visiteurs allemands venus chasser le bison au Far West. Alors là, il rencontre un personnage étrange qui est un Allemand, un Junker allemand, complètement influencé par les romantiques, Hölderlin, etc. Et qui se construit un château dans les montagnes rocheuses. Et à un endroit, pour les Cheyennes, assez tabou, si on peut dire, parce que ce mot est plutôt polynésien. Ce qui fait que, bon, ça va pas bien non plus. Et après coup, on a appris, en lisant un bouquin, tous les deux, qu'il y avait eu un Allemand qui avait construit un château complètement délirant. Je crois que c'est en Arizona. Et bon, on a rejoint la réalité sans s'en rendre compte. C'est plus réaliste qu'on croit. Et puis, il y avait les je ne sais plus quel archiduc allemand qui chassait. Et le peintre suisse Bodmer a d'ailleurs peint énormément de petites scènes de ces chasses. Donc, ce n'est pas aussi délirant qu'on pourrait croire. Pendant que l'aristocratie européenne chassait dans les plaines, les pauvres pionniers tentaient de survivre. Je crois que c'était une vie extrêmement dure et pas du tout drôle, parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que au départ, ils n'avaient pas l'argent pour acheter les pièges et le matériel qu'il leur fallait pour une campagne de trappe. Donc, ils s'endettaient avant de partir. Et quand ils revenaient, les commerçants qui leur vendaient le matériel les arnaquaient complètement, ce qui fait qu'ils n'avaient jamais d'argent et qu'ils étaient toujours obligés de repartir. Trapper, ce qui était vraiment très difficile, parce que les hivers sont assez froids dans les montagnes rocheuses, enfin là où on trouve les fourrures, et c'était pas facile du tout de survivre, je crois, pour eux. Et je crois aussi que le personnage de Cartland est pas réaliste à un certain niveau, dans la mesure où il sait trop de choses, je crois, il est trop pas malin, mais cultivé à la limite. Je crois que c'était aussi des personnages pas très fins. Je crois que la vie était vraiment très très très difficile, et je crois que ce qui est intéressant dans les mythes qui ont été créés à ce moment-là, c'est que c'était une espèce de ciment pour tous les gens qui venaient d'horizons tellement tellement différents. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'ils ont été créés à un moment où les structures sociales étaient déjà établies, mais où justement ce ciment manquait encore, je crois, cette unité d'identité pour le peuple américain n'était pas encore parfaite. Et ce qui est intéressant justement, c'est, j'essaye de mettre dans mes bandes dessinées des personnages qui viennent d'horizons très très différents, comme venaient les émigrants. Les types de chansons et les fonctions des chansons ne sont pas les mêmes dans chaque groupe socio-professionnel. Alors, en ce qui concerne les bûcherons, la première chose à dire, c'est qu'il ne s'agit pas de chants de travail. C'est-à-dire que les bûcherons ne chantaient pas pendant qu'ils abattaient des arbres ou pendant qu'ils charroyaient des arbres, mais ils chantaient le soir en rentrant au chantier. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. D'autre part, ce qu'il faut noter, c'est que les bûcherons ne chantaient pas en chœur. Les bûcherons américains chantaient en soliste, à l'opposé d'ailleurs des bûcherons canadiens. Et ça a une incidence sur la nature des chansons, qui ne sont pas des chansons à répond, qui n'ont pas de refrain. Et très souvent, d'ailleurs, on enrôlait des bûcherons, non pas pour leur musculature, mais pour la qualité de leur voix. Car ça jouait évidemment un rôle important, puisque la chanson, en définitive, c'était le divertissement unique de ces gens qui n'avaient rien d'autre à faire. Sleeping in our bunks without cheer, when the cold winter winds do blow. But as soon as the morning star does appear, to the wild woods we must go. Il faut se remettre un peu dans l'esprit, enfin, de la façon dont ces gens vivaient. Les bûcherons travaillaient l'hiver dans les forêts, il y avait de la neige, il y avait de la glace, ils étaient complètement isolés, ils partaient loin, dans le Maine, d'abord en Nouvelle-Angleterre, ou au Canada, ou ensuite dans le Wisconsin, ils étaient complètement isolés, il n'y avait évidemment pas la radio, il n'y avait pas de poste, il n'y avait rien, ils étaient livrés à eux-mêmes, et la musique jouait un rôle de divertissement absolument essentiel. Alors, le type de chanson que chantaient les bûcherons, d'abord, ils ne chantaient pas uniquement des chansons les concernant eux-mêmes. Il y avait une interprétation d'autres folklores. Par exemple, les bûcherons qui donc travaillaient l'hiver, l'été, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Et très souvent, ils travaillaient sur des bateaux, par exemple. Alors, il n'est pas étonnant de constater que des chansons de bûcherons se soient chantées sur les bateaux, et réciproquement, qu'on trouve dans les chantiers de bûcherons des chansons de marins. Mais ce qui est intéressant à étudier, évidemment, sont les chansons dans lesquelles les bûcherons parlent d'eux-mêmes. Et alors là, je tiens à souligner l'importance de ces chansons en tant que document, car en définitive, ils constituent le seul moyen qu'avait le prolétariat de l'époque de s'exprimer. Il n'y avait pas de presse corporative, il n'y avait pas de radio, les bûcherons étaient illettrés, donc ils ne pouvaient pas écrire. La seule chose qui leur permettait de s'exprimer, d'exprimer leur mode de vie, c'était la chanson. Blow the man down, bullies, blow the man down. Anyway, hey, blow the man down. Blow the man down, bullies, blow him away. Give me some time to blow the man down. As I was a-walking down Paradise Street. On décrit beaucoup la vie de tous les jours. C'est très centré sur le groupe. Y a des ballades qui relatent simplement les conditions de travail, la façon dont les gens travaillaient. Alors, vous savez qu'il y avait toute une division des rôles chez les bûcherons. Il y avait des gens qui étaient ce qu'on appelait les claireurs, qui étaient des gens qui devaient d'abord ouvrir des saignées dans la forêt de façon à pouvoir permettre aux chariots ensuite de transporter les bûches qui étaient les rondins, enfin les troncs d'arbres qui étaient abattus jusqu'à la rivière, puisqu'on était la rivière, c'était le seul moyen de transport. Il n'y avait pas de route. Le seul moyen de transport, c'était la rivière. Au printemps, il fallait attendre que la route soit dégelée. Alors les chansons chantent tout ceci avec énormément de détails, et c'est même le type de document dans lequel on peut le mieux reconstituer les conditions de travail de ces gens-là. Alors, il y avait donc les claireurs qui ouvraient les saignées, il y avait les choppers en anglais, enfin c'est-à-dire les gens qui abattaient les arbres, qui ont leurs propres chansons, il y avait les charroyeurs qui transportaient ensuite ces rondins jusqu'à la rivière. Et puis ensuite, il y avait ce que les Canadiens appellent les draveurs. Les draveurs, c'est les river drivers, mais avec un anglicisme, comme souvent au Québec. Et les draveurs, alors, qui ont leur propre chanson avec la descente de la rivière. Et un des thèmes qui revient très, très souvent, c'est le thème de la noyade, le thème des accidents de travail. Hey, watching the sunbeams as evening drew nigh, as onward I rambled, I spied a fair damsel. She was weeping and wailing with many a sigh, sighing for one who is now lying lonely, sighing for one whom no mortal can save. Il y a évidemment des chansons joyeuses, mais ça tient à la fonction de la chanson. La chanson a une fonction ludique, évidemment. On chante pour s'amuser, pour se divertir. Donc, le genre lui-même a tendance à faire croire que les gens sont joyeux en chantant, mais les thèmes des chansons sont souvent extrêmement tragiques. Et c'est un indice sur la façon dont ces gens se voyaient eux-mêmes. On a beaucoup mythifié l'armée vers l'ouest, l'expérience des pionniers, l'expérience des bûcherons, etc. Le cinéma l'a fait, les dime novels, enfin les romans à quatre sous l'ont fait. Mais la chanson présente un tableau totalement différent. C'est un tableau tragique, c'est un tableau de la condition ouvrière de gens qui étaient effroyablement exploités, mal payés, qui faisaient un travail extrêmement dur. Et qui est dur et dangereux. We were 40 miles from Albany, forget it, I never shall. What a terrible storm we had one night on the Erie Canal. Oh, the Erie was rising and the gin was getting low. I scarcely think we'll get a drink till we get to Buffalo, till we get to Buffalo. We were loaded down with barley, we were chock full up on rye. The captain, he looked down on me with his gall-darn wicked eye. Oh, the Erie was rising and the gin was getting low. And I scarcely think we'll get a drink till we get to Buffalo, till we get to Buffalo. Je crois qu'on a également beaucoup mythifié le fusil dans la conquête de l'Ouest. Tu sais combien de trous je peux faire dans ta carcasse avec ça? C'est vrai que le fusil a joué un grand rôle, mais on oublie que ce qui a joué encore un plus grand rôle, c'est la hache. La hache, qui d'ailleurs, avant l'invention de la scie, ou avant l'introduction de la scie a été introduite dans les chantiers vers les années 1860-70, et auparavant, on faisait tout à la hache. Tout, absolument tout. Jusqu'à, enfin, on raconte que les bûcherons allaient jusqu'à se raser à la hache. Et alors, bien sûr, enfin, il y a des chansons sur la hache, mais on ne sacralise pas la hache. La hache reste, alors ça, c'est le côté très empiriste des Américains, très utilitariste. La hache reste un instrument de travail. Il n'y a pas de mythification de l'objet de travail, ce qui évidemment différencie les bûcherons américains de certaines autres corporations dans d'autres civilisations. In 1841, I puttin' my corduroy breeches on, puttin' my corduroy breeches on to work upon the railway. Fill me ore ore, fill me ore ore, fill me ore ore to work upon the railway. In 1842, I left the old world for the new, bad cess to the luck that brought me through to work upon the railway. Fill me ore ore, fill me ore ore. Paddy, c'était un cheminot irlandais qui a d'ailleurs traversé l'Atlantique, car il existait en Irlande puis en Angleterre. C'est le stéréotype, si vous voulez, du pauvre irlandais exploité qui travaille dur et qui n'a pas d'espoir de s'en sortir et qui finalement se laisse aller à l'alcoolisme. Hein, c'est ça l'histoire de Paddy. In 1842, I left the old world for the new, bad cess to the luck that brought me through to work upon the railway. In 1843, 'twas then I met sweet Biddy McGee, an elegant wife she's been to me while working on the railroad. I thought myself more dead than alive. I thought myself more dead than alive while working on the railroad. In 1847, sweet Biddy McGee, she went to heaven. If she left one kid, she left 11 to work upon the railroad. Alors là, tout à fait différent. Il y a d'une part ce qu'on appelle des work songs, des chants de travail, des chants de cognée qui étaient chantés sur le tas, qui avaient pour fonction de soutenir l'effort des ouvriers, qui travaillaient au marteau, qui travaillaient à la masse, qui travaillaient à la pioche, qui posaient des traverses et des rails. Tout ça demandait des efforts cadencés et harmonisés. Il fallait que les gens travaillent ensemble. Alors il y avait un contremaître qui chantait une strophe. D'ailleurs, enfin, on en a un exemple dans le film de Mel Brooks, Blazing Saddle, j'ai oublié le titre en français. Le shérif est en prison. Le shérif est en prison, voilà, dans lequel, évidemment, c'est sur le mode picaresque, enfin, qu'on commence à... Il y a donc des chansons de travail, et d'une part... Et d'autre part, alors il y avait également des ballades qui étaient chantées en dehors du travail, qui étaient chantées le soir, ou qui étaient chantées d'ailleurs par toutes sortes de gens, enfin, parce que ça a été repris ensuite par d'autres corporations. Et les ballades, alors, comme pour les bûcherons, en général, montrent une vie et des conditions de travail épouvantables. At 7 o'clock, there's 20 terriers a-working on the rock. The boss comes along and he says, "Keep still and come down heavy on the cast iron drill. Drill, ye terriers, drill, and drill, ye terriers, drill. For it's work all day for the sugar in your tay. Down behind the railway, and drill, ye terriers, drill, and blast. Man down to the ground, and he married a lady 6 foot round. She baked good bread and she baked it well, but she baked it hard as the holes in hell. And drill, ye terriers, drill, and drill, ye terriers, drill, for it's work all day for the sugar in your tay. Down behind the railway, and by God, he was a blaming man. Last week a premature blast went off, and a mile in the air went Big Jim Goff. And really, Terry is grilled. And really, Terry is grilled. For it's work all day for the sugar in your tay. Down behind the railway. Goff a dollar short was found. When asked what for, came this reply: you was docked for the time you was up in the sky. And really, Terry is grilled. And really, Terry is grilled. For it's work all day for the sugar in your tail. Down behind the railway. And really, Terry is grilled. And blast. And fire! En ce qui concerne les constructeurs de chemin de fer, il y a le thème de John Henry qui est le thème central. John Henry, c'est l'histoire d'un travailleur noir qui faisait partie d'une équipe de construction de chemin de fer et qui travaillait au marteau. Son travail consistait à enfoncer des burins dans la pierre de façon à y mettre de la dynamite ensuite pour creuser des tunnels. Et un jour, on a vu apparaître les premiers marteaux-piqueurs, c'est-à-dire la machine-outil. Et John Henry lance un défi à la machine-outil, c'est-à-dire au blanc qui va travailler à la machine-outil, et lui dit, moi, avec mon marteau, je peux creuser des trous plus vite que toi avec ton marteau-piqueur. Alors, il y a un concours qui est organisé, et John Henry gagne le concours, c'est-à-dire qu'il creuse des trous plus profonds et plus nombreux que le marteau-piqueur, mais il meurt. C'est ça le thème de la balade. Alors, D'autre part, il y a des ballades concernant les conducteurs de locomotives. Alors ça, c'est le mythe, c'est le thème du mécano courageux. Le plus connu, c'est Casey Jones, qui était un personnage... Enfin, l'histoire de Casey Jones est encore une histoire toute simple. Il était conducteur d'une locomotive qui s'appelait le Cannonball, le boulet de canon. C'était une locomotive qui était censée aller très vite. Et il tirait un certain orgueil à aller plus vite que d'autres locomotives. Il prend des risques. Et il y a un accident, il est tué, il meurt, et on le glorifie. On a dark and stormy night, not a star was in sight, and the north wind come howling down the line. With his sweetheart so dear, stood a brave engineer, with his orders to pull old number nine. With a tear in her eye, she kissed him goodbye, and the joy in his heart he could not hide. And the whole world seemed bright as she told him that night that tomorrow she'd be his blushing bride. Well, the wheels hummed a song as the train rolled along, and the black smoke came pouring from the stack. And the headlight agleam seemed to brighten his dream of tomorrow when he'd be going back. As he rounded the hill, his brave heart stood still, for a headlight was shining in his face. And he uttered a prayer as he threw on the air, for he knew he had run his final race. In the wreck he was found lying there on the ground, and he asked them to raise his weary head. As his breath slowly went, this message he sent to the maiden who thought that she'd be wed. There's a little white home I have bought for our own, where I dreamed we'd be happy by and by. And I leave it to you, for I know you'll be true till we meet at that golden gate goodbye. On voit bien d'ailleurs le rôle de ce type de mythe. Enfin, ça consiste à soutenir l'orgueil corporatif. Et en soutenant l'orgueil corporatif, en développant l'orgueil corporatif, on freine la prise de conscience de classe. Puisque le conducteur de chemin de fer va s'identifier, enfin, va se dire, les conducteurs de chemin de fer, c'est des gens très bien. Et par conséquent, ils sont mieux que les autres, mais il ne va pas s'identifier aux autres prolétaires. You could hear the whistle blow 100 miles. Poor Reuben made a train and he put it on the track. He ran it to the Lord knows where. Oh me, oh my, you can hear the whistle blow 100 miles. Même s'il est le symbole de la réussite individuelle et de la promotion sociale, le mythe de l'Ouest reste le symbole du nationalisme dans ce qu'il a de plus étroit. Par opposition aux intellectuels de gauche, le fermier de l'Ouest, avec sa chemise à carreaux, reste le symbole du bon Américain, attaché aux valeurs traditionnelles. Le pionnier, rude et dynamique, entreprenant et individualiste, chaste et prompt au coup de feu pour défendre sa famille et sa propriété, est l'un des mythes préférés de la majorité silencieuse. Et le western, et oui, malgré quelques films récents, demeure la vibrante apologie des valeurs conservatrices américaines. Michel Dupuis, Bernard Maître, Alain Pouget, Serge Libert, Raymond Anna, Joseph Rémiot, Nuit Magnétique, Josette Collin, Pamela Titel. Demain, les peaux rouges, les visages pâles et les tuniques bleues. Good night. Thank you.